que j'ai vu, c'était à l'époque, un contraste extraordinaire entre des maisons arrangées toutes pareilles et toutes délabrées dans un endroit où ils ne devaient pas se trouver de village. Parce que les Inuits, c'est des gens qui sont de manière séculaire, des nomades. Ce podcast est extrait de Nouvelle Saison, une conférence du sociologue Gérard Duhaime adressée aux étudiants de l'École d'architecture de l'Université Laval dans le cadre du projet de recherche Doing Things Differently. Selon M. Duhaime, quatre saisons caractérisent les récentes transformations de l'habitat inuit. Premièrement, le processus de sédentarisation. Deuxièmement, le statut de locataire de l'État-providence cristallisé par la Convention de la baie James. Troisièmement, la récente crise induite par le manque de logement, la capacité limitée des individus à exercer des choix et la rationalité économique qui y prédomine. Finalement, le chercheur vous interroge. Peut-on repenser l'histoire et oser l'utopie comme nouvelle saison? Ce que je vais essayer de comprendre, c'est non seulement ce qui s'est produit pour qu'on trouve aujourd'hui des villages, qui ont, par rapport à cette époque-là, énormément changé, mais aussi comment il se trouve que dans cette société-là, quand on calcule le taux de pauvreté, on trouve des taux qui sont le double, sinon le triple de ce qu'on retrouvait au Québec et au Canada. Le taux de pauvreté au Canada, là, ça tourne autour de 15 à 20 ces jours-ci. Il y a quelques années, on parlait plutôt de 10 à 15 Là-bas, quand on tient compte du coût de la vie, on est à 40 des ménages qui vivent sous le seuil de pauvreté. Comment ça se fait qu'on est passé d'une société où on vivait en autarcie, où on satisfaisait à ses besoins, même dans un contexte de ce que les sociologues appelleraient de misère, on peut dire de dénuement, avec très peu de moyens, les gens étaient non seulement capables de s'autosuffire, mais aussi de se reproduire et éventuellement de prospérer. Comment est-ce qu'on est passé donc de cette situation-là à des villages construits par les pouvoirs publics avec des HLM systématiquement? Je vais essayer en somme de vous montrer comment le contexte de votre pratique s'est constitué. Comment les environnements dans lesquels vous êtes appelés à travailler comme professionnel de l'architecture, comme professionnel de l'aménagement, s'est constitué. Quelles sont les forces qui permettent de comprendre ce qu'on voit aujourd'hui et dont il faut tenir compte pour avoir des interventions qui vont avoir du sens. Au milieu du 20e siècle, les conditions sanitaires se détériorent. Les Inuits vont construire des maisons sèches, imitant plus ou moins les modèles venus du Sud. De son côté, le gouvernement fédéral interdit qu'on s'y installe, appliquant sa politique anti-sédentarisation. Critiqué par l'ONU, le Canada apparaît comme négligent envers ses populations autochtones. Alors, quand je parle de la période de la neige, de la pierre et du bois, c'est évidemment la période coloniale, en ce moment. C'est la période où l'État canadien, puisque c'est bien l'État canadien dont il s'agit, a commencé à s'implanter dans le nord du Canada. Et c'est une période où on fonctionne avec les modalités qui viennent avec le colonialisme, avec un État paternaliste qui va prendre soin des gens qui vivent dans les marges de la civilisation, soit pour les tasser sans trop faire de dommages, soit pour les intégrer en espérant qu'ils ne fassent pas trop de bruit non plus. Alors l'été, ce qu'on voit, c'est des agglomérations de tentes qui viennent aux mêmes endroits, à peu près aux mêmes périodes, essentiellement pour fêter les rites qui sont intégrés à la culture inuit, mais aussi pour se ravitailler, pour aller au poste de traite, pour échanger les fourrures contre des biens de consommation, des biens essentiels, élémentaires, qui consistent à du thé, de la farine, des munitions, des armes à feu, ce genre de choses. Alors, c'est une période dans laquelle, essentiellement, l'intérêt du Canada pour cette région-là est basé sur deux choses. Sur la présence de ressources naturelles et sur l'affirmation de la souveraineté canadienne. Dans la colonisation, il y a trois acteurs. Il y a le représentant de la force étatique, la police, il y a le représentant de la force spirituelle, le missionnaire, et il y a la force commerciale, le représentant de la compagnie de la Baie-du-Son ou de toutes les compagnies qui ont pu aller faire des affaires dans le Nord. D'abord, évidemment, pour la traite des fourrures, comme on le sait, mais graduellement, on va avoir aussi de l'intérêt pour les ressources minérales, avec plus ou moins d'ampleur et plus ou moins de succès. Alors, on a d'un côté ces installations sommaires où il y a, dans ces agglomérations, qui ne sont que des camps, en fait, des camps d'été ou des camps d'hiver, dans ces débuts d'agglomération-là, on a ces trois acteurs qui s'installent, pas toujours à demeure. Il y a parfois le traiteur qui est là à l'année longue, mais le policier, des fois, il couvre une côte, une baie, et il va voyager dans le courant de l'année. Même chose avec les missionnaires. ces installations-là, selon le succès commercial, essentiellement, vont durer à des endroits, vont fermer à d'autres pour s'installer ailleurs, et ainsi de suite. Alors, il y a un jeu comme ça de déménagement. Mais évidemment, les installations sont toujours dans ces espaces connus, identifiés par la population de la région, comme des lieux de rassemblement saisonnier. Et alors, ce qui va se passer, c'est qu'il va se créer des liens systématiques entre ces trois représentants de cette société étrangère au nord et de la société inuit. Alors, il y a ce lien de dépendance et graduellement va s'installer aussi des liens qui sont d'abord volontaires et rapidement qui vont causer une espèce d'assujettissement culturel par la conversion religieuse. Et ça, c'est des choses qui sont relativement bien documentées. Et ce qui est le plus étonnant, c'est qu'à partir du moment où la conversion s'enclenche, c'est comme une traînée de poudre. On se convertit en masse. Le pouvoir qu'acquiert le clergé permet de modifier des pratiques séculaires, comme le chamanisme, par exemple, jusqu'à l'interdit. Et puis, le pouvoir politique, puis le pouvoir, la force légitime qui est représentée par le constable, c'est aussi des relations qui vont se tisser et qui, graduellement, par le mariage des intérêts de ce trio infernal, là, de convergence d'intérêts, va conduire à des transformations majeures à l'intérieur des comportements et des mentalités. On va interdire des pratiques, on va autoriser d'autres pratiques, et ainsi de suite. Ce qui est important là-dedans, ce n'est pas tellement le détail que cette idée d'un rapport de pouvoir qui s'installe et qui va avoir une très grande importance quand va venir urgente la question de l'habitation. À partir du moment où on va identifier cette urgence, la réponse va se faire sur ce mode qui est déjà installé d'un rapport de pouvoir entre ce trio dont j'ai parlé, qui exerce une domination sur la société inuite. D'abord, la traite des fourrures devient beaucoup moins lucrative, et par conséquent, la dépendance, l'attachement des individus et des familles au poste de traite devient quelque chose de beaucoup plus difficile et qui répond moins qu'avant aux besoins. Parce qu'on a moins de revenus, mais on a encore besoin de la farine, on a encore besoin des munitions. Parce que graduellement, on a perdu les habiletés qui fondaient l'autarcie. Quand tu commences à chasser avec une carabine ou avec un fusil de chasse, si tu perds des habiletés à manier le harpon, quand tu commences à pêcher avec un filet mordant puis que tu es capable d'acheter de la corde, ben, tu perds des habiletés à t'inventer de la corde à partir du débranchage, tu perds des habiletés à pêcher le poisson autrement. Alors, on parle de modifications très importantes sur plusieurs décennies. Graduellement, les Inuits vont prendre l'habitude de rester plus proches de ces agglomérations qui commencent, qui naissent. Et une des raisons pour ça, c'est la détresse. Alors, il y a une décision qui est prise à partir de 1959 de sédentariser les villages, de construire des villages. L'idée, c'est pas d'ailleurs à cette époque de construire des villages. L'idée, c'est de construire des maisons qui répondent à un certain standard qui devraient solutionner ce grave problème. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est pas tout à fait ce qui va se passer. On est dans cette période-là, à la fin de cette période-là, donc on est dans la période donc de dénuement, période de très grande difficulté. Une période, comme je vous disais, qu'on peut qualifier de misère, mais qui est en même temps un symptôme de cette dépendance qui s'installe. On ne peut pas parler de pauvreté alors. En termes sociologiques, c'est pas de pauvreté dont il s'agit. La pauvreté va apparaître à partir du moment où l'économie monétaire va se mettre à avoir de l'importance. Et ce n'est pas le cas encore en 1959. Vers la fin des années 50, après les grands conflits mondiaux, l'État-providence intervient. S'ensuit l'établissement des villages et la construction des premiers logements sociaux. Quand on va construire les premières maisons vont être livrées, préfabriquées. Et ça qui nous intéresse vraiment ici pour le début de cette période-là, c'est les matchbox, les boîtes d'allumettes, qui se traduisent par la petite maison, puis l'autre c'est le terrier. Alors c'est essentiellement le même patron, mais il y en a une qui a 8 pieds de plus long. 12 pieds de large, 20 pieds de long, 12 pieds de large, 28 pieds de long. Une grosse famille, tu as 28 pieds, une petite famille, tu as 20 pieds. Et c'est tout fait en panneaux préfabriqués. Ça arrive sur un bateau, puis on met ça à terre, puis les Inuits s'arrangent. Puis il faut qu'ils payent 200 piastres. Les maisons sont vendues. Combien de maisons ont été payées? Zéro. Parce qu'évidemment, les Inuits, ils n'ont pas d'argent. Il n'y a pas d'économie monétaire, il y a juste des écritures, puis on doit tout de toute façon à la compagnie de la maison. Et à l'époque, on dit aux Inuits, aidez-vous un petit peu, puis construisez les maisons vous-même. Alors les gens partent, puis comme ils peuvent, avec leur traîneau à chien, ils vont traîner ça dans leur camp de chasse. Ils ne construisent pas des villages, ils envoient dans leur camp de chasse. Évidemment, la cible est ratée parce qu'on ne suffit pas à la demande. On ne peut pas avoir des maisons pour tout le monde. des maisons que personne ne paye ou sont plus. Et puis ensuite, ben, les gens sont dispersés et il n'y a pas aucune vérification, il n'y a pas aucune capacité à veiller à l'approvisionnement des maisons autrement qu'en comptant sur les réseaux traditionnels et les pratiques traditionnelles. Dans un monde idéal où on a une vision économiste, simpliste de la société, ça aurait marché, mais dans la réalité, c'est pas comme ça que ça marche. Alors on s'est dit, on va louer les maisons. On a donc loué les maisons, c'est la première chose. L'autre chose qui ne marchait pas, c'est qu'il n'y a pas moyen d'intervenir sur la situation sanitaire si on ne peut pas procurer des services techniques aux habitations. Alors, l'autre élément de cette politique, qui venait avec des nouveaux modèles de maisons, les premiers modèles de maisons fédéraux, l'autre élément, c'est qu'on ne construit plus n'importe où. On enlève la capacité aux individus de décider où est-ce que leur maison va se trouver. D'où cette apparition des villages, alors qu'ils deviennent cristallisés, par décision gouvernementale. On dit, on va les mettre là, parce que c'est là que les gens viennent, mais il y a plusieurs localisations de camps saisonniers où on n'en construira pas, là, par le pouvoir fédéral, par la décision du pouvoir fédéral. Alors, et l'apparition de ces rangées de maisons pour pouvoir installer les réseaux techniques, comme l'électricité ou la livraison d'eau, ou la livraison d'huile à chauffage, de mazout. On a l'ambition aussi de créer plus que ça. Alors que la première vague, il s'agissait d'amener des maisons en pensant que ça allait régler les affaires. On s'est bien aperçu donc que ça ne fonctionnait pas. On s'est dit aussi, on ne peut pas seulement louer des maisons, essayer d'encaisser des loyers sans que les gens puissent avoir des revenus. Il faut structurer l'économie. Alors, c'est venu avec, en bonus, une espèce de programme de développement économique qui était basé à moitié sur des initiatives de transformation des ressources qui ont marché plus ou moins, pour ne pas dire pas pantoute, à long terme en tout cas, et surtout sur l'activité économique générée par la présence gouvernementale. Et c'est là-dessus que vont être fondés les villages. Le cœur du développement, c'était l'activité économique. Dans les villages nunaviques, ça n'existe pas. Ce n'est pas une recette congénitale. Quand les villages naissent, ce n'est pas parce qu'il y a une activité économique autonome, c'est parce qu'il y a une activité économique générée par l'existence du village. Alors, c'est un principe absolument fondamental, c'est la chose qu'il faut retenir de cette affaire-là, et c'est définitoire de ce qui va se passer par la suite. Comment ça se passe? Donc, on construit ces maisons avec différents modèles, on teste des modèles, puis il y a des architectes qui travaillent là-dessus. Puis ils s'aperçoivent qu'il faut mettre un porche en avant parce que quand tu rentres dans la maison et qu'il n'y a pas de porche, ça prend 12 secondes puis il fait moins 30 dans la maison. Il y a des réflexions aussi sur les pièces ouvertes, les pièces fermées, ce genre de choses-là. Il faut dire que personne n'a jamais essayé de produire une adaptation à la culture inuit. Il est vrai de dire que c'était raté, par exemple, parce qu'on ne connaissait pas la culture inuit en réalité, même s'il y avait de la bonne volonté. La Société canadienne d'hypothèque et de logement, en rentrant dans le jeu, en devenant le bras financier, va aussi imposer ses propres normes de construction, ses propres normes de production, et ainsi de suite. Et graduellement, mais très rapidement, la population qui, 20 ou 30 ans auparavant, décidait du type de maison à construire, du lieu où on devait la construire, du moment où il fallait déménager, pour des raisons liées à l'écologie locale, à la présence ou à l'absence des animaux, et ainsi de suite, qui choisissait non seulement le lieu, mais qui choisissait le voisinage, très rapidement, ces gens-là sont dépossédés de toutes ces capacités. Vous l'aurez compris, les décisions sont prises depuis le Sud, basées sur l'exploitation des ressources naturelles et sur une bureaucratie étatique. Ce processus d'assimilation aura un impact considérable sur la transformation du territoire Cree et Inuit. La signature de la Convention de la baie James cristallisera le rôle de l'État des terres en échange de services. Ce traité moderne a une couple de caractéristiques importantes. Une de ces caractéristiques, c'est qu'il consiste à échanger deux biens. Le premier, c'est les Inuits à qui on demande d'échanger la terre. Laissez-nous la paix, laissez-nous la terre, on va produire de la richesse avec ça. Avec la richesse qu'on va produire avec ça, nous, on va vous en donner des biens. On va vous donner des services, on va vous garantir que tous les services que vous recevez déjà, vous allez continuer à les recevoir. C'est ça l'accord de la baie James. Alors, ce que ça donne, c'est que la Convention de la baie James confirme le droit des Inuits d'obtenir du gouvernement des services de logement. Ce que ça confirme, donc, c'est cette relation de dépendance de la région par rapport à la volonté gouvernementale de produire du logement. Quand je vous disais qu'on a été dépossédé de sa capacité sur la détermination du logement, et ça vient l'officialiser puis le rendre pour ainsi dire éternel. Les Inuits, collectivement, vont devenir, d'un point de vue sociologique, des joyeux assistés sociaux, des joyeux locataires d'habitations à loyer modique. À cette époque, avant que la Convention de James se déploie et qu'on en voit les effets, ce qui va être dans la période suivante, on assiste alors à ce qu'on voit du point de vue du statut de la population, c'est une pauvreté qu'on appelle une pauvreté intégrée. C'est-à-dire que la pauvreté est tellement répandue, la dépendance est tellement grande, la pauvreté est tellement répandue, qu'on a du mal à distinguer parmi la collectivité, parmi les individus habitants de cette région-là, ceux qui seraient un petit peu mieux que les autres. C'est ce qu'on appelle la pauvreté intégrée. On est très bien capable de faire la différence entre les Inuits, la condition des Inuits, et les non-autochtones qui sont là. Et cette capacité-là est encore aussi grande de près aujourd'hui. Condition de Lee James, c'est l'installation de la rationalité économique. Dans les années 80, la dépendance est intégrée. L'État néolibéral s'installe et la rationalité économique officialise la relation Inuit à l'habitation locative. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où on installe la Convention de Lee James? Le fédéral va graduellement délaisser ses responsabilités pour les passer au provincial. Alors, entre-temps, il s'est créé au Québec la Société d'habitation du Québec. Dans toutes les municipalités du Québec, il y a des offices municipaux d'habitation. L'idée, c'est de faire du logement social avec des règles applicables partout, similaires. Des modes de production, d'évaluation des besoins, des normes, etc., similaires partout, avec du financement organisé selon des normes similaires partout. Au Nunavik, donc la SHQ va prendre, la Société d'habitation du Québec, va prendre le relais, va reprendre l'ensemble du parc de logement fédéral et va se mettre graduellement à construire ses propres maisons, prendre la responsabilité de ça, à gérer le parc de logement, à rénover les logements, à inventer des nouveaux modèles d'architecture et ainsi de suite. Et à cette époque-là, comme ça a été le cas, mais avec une ampleur différente et avec des connaissances différentes, il va y avoir des efforts qui sont faits par les architectes qui travaillent à la Société d'habitation du Québec pour comprendre comment ça marche, la culture inuit, comment c'est important ou pas important, la chasse, la pêche, quand on construit une maison, ce genre de choses. Mais tout ça est géré selon des règles qui sont applicables à l'ensemble du Québec. Les Nunavik, c'est pas l'ensemble du Québec. Et là, on a un gros problème. Tout ce mouvement d'organisation administrative va donner graduellement de la place aux décideurs inuits parce que ces institutions, commission scolaire, gouvernement régional, et ainsi de suite, ont des conseils élus et ont un certain nombre de pouvoirs politiques. Et on va se dire, à un moment donné, le logement, pourquoi le logement? On ne pourrait pas avoir un modèle dans lequel on ramène un peu de pouvoir dans la région. Et là, on est rendu donc au début des années 2000, où il y a la création de l'Office municipal d'habitation locative, où on va donner, où la Société d'habitation du Québec va donner à la région, en somme, le mandat de faire le travail qu'elle faisait. Mais comme vous pouvez vous en douter, ça ne vient pas avec un chèque en blanc. Les enveloppes budgétaires sont toujours décidées par le Conseil du Trésor au Québec. C'est la SHQ qui décide, ce n'est pas l'Office municipal d'habitation. L'enveloppe budgétaire, ce n'est pas l'Office municipal d'habitation qui décide. Alors, ça a été extrêmement difficile, ça a été des déchirements, et ça a conduit à une échelle de loyer qui est maintenant appliquée. Il y a des modulations pour le pauvre monde, puis il y a des modulations pour les personnes seules, les personnes âgées. Mais ce qui ne change pas, c'est que dans cette prestation de service public, il y a une dépossession par rapport à la capacité de prendre des décisions sur sa propre maison. Vient avec cette nouvelle règle, quelque chose qui ne s'était jamais vu au Nunavik, c'est-à-dire la possibilité et la réalité de d'évincer des locataires du logement social. Et quand vous discutez avec les gens, évidemment, il y a toutes sortes d'opinions qui peuvent circuler dans cette affaire-là, mais il y a une unanimité, c'est qu'on n'a jamais vu une affaire pareille. Comment est-ce qu'on a fait pour s'inventer une société dans laquelle la solidarité devrait prédominer, qui, il y a à peine quelques décennies, était basée exclusivement sur les rapports de proximité et de solidarité, et aujourd'hui, il y a des Inuits qui vont mettre dehors d'autres de leur maison. Ça, ce type de comportement-là mène à un autre type de pauvreté, qu'on appelle la pauvreté disqualifiante. Et quand on se demande d'où vient l'itinérance, il y a là un des filons qui permet de comprendre. Non seulement la dépossession symbolique de la maison, qui conduit les gens à s'éloigner complètement de ces milieux, mais aujourd'hui, la dépossession physique, réelle, matérielle. Si on fait la somme de toutes ces étapes de dépossession, on réalise que le milieu dans lequel on s'apprête à intervenir, quand on est architecte, aménagiste, ou peu importe, quand on est travailleur social, quand on est médecin, on est dans un milieu où les gens ont une prise très faible sur leur destin. Pour terminer, celle qui n'existe pas encore, l'utopie de la dernière saison. Et si on voulait changer quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, il faut tenir compte des paramètres dans lesquels on va intervenir. L'univers matériel, il est fait avec des très grandes inégalités économiques, des très grandes inégalités sociales, qui sont là-bas, et on est en train de les documenter systématiquement, beaucoup plus importantes, beaucoup plus visibles que ce qu'on va trouver à Québec ou à Montréal. On est dans un milieu où la pauvreté économique est beaucoup plus grande que ce qu'on trouve ici. Mais pas seulement la pauvreté économique, les autres types de pauvreté, la pauvreté ressentie, l'incapacité de s'inscrire dans les normes de la société dans laquelle on vit. Face à l'abondance qu'on voit, les gens sont nombreux à être à 1000, 1200, 1300 km d'ici. Ils voient le spectacle de la consommation de masse. Ça rentre dans la maison. Ils sont sur l'ordinateur tout le temps. Et ils ont une distance, une espèce de difficulté liée à la condition économique de s'intégrer à l'intérieur de ça. Et le coût de la vie dont j'ai parlé, qui, comme vous l'avez certainement constaté, si vous avez les femmes, le logement, c'est aussi un bien ressource qui est chargé symboliquement. Et si on veut y changer quelque chose, il faut tenir compte du fait que dans cette société, quoi qu'on en dise, malgré les impressions, la chasse, la pêche, la cueillette, c'est une activité quotidienne pour beaucoup de monde. Les gens mangent du gibier, les gens mangent des petits fruits, les gens mangent du poisson, puis ils vont le chercher. Pas tout le monde, pas tout le monde. Et ironiquement, c'est les familles les plus riches qui sont capables de produire le plus de gibier. Parce qu'ils ont les grosses machines, parce qu'ils peuvent aller très loin dans une fin de semaine de congé. Le partage, c'est quelque chose qui existe. Si on vous a dit que ça ne marchait plus, croyez-le pas. Le partage existe encore énormément, et justement, ces chasseurs très productifs, c'est les premiers qui vont partager. Ce qu'on peut faire, c'est faire son métier dans son milieu, travailler avec le milieu, et ne pas perdre de vue que ces changements-là s'inscrivent dans une démarche beaucoup plus large, beaucoup plus profonde, qui vise à modifier, sinon briser, le moule qui a été installé par la Convention d'Abbé James, qui héritait des traités historiques avec les Premières Nations du Canada, où on a figé une dépendance systématique de la population autochtone envers le pouvoir public dominant. Les Inuits aspirent collectivement, et dans ces réunions de Parnassimautic à laquelle je pense que vous avez participé, c'est une des choses qu'on veut faire. On veut explorer les possibilités de dire, attends, la Convention d'Abbé James, quand elle a été signée, c'était dans une époque où il n'y avait pas de partage de bénéfices dans ce genre de traité-là. La démarche, c'est une démarche pour changer la distribution du pouvoir. Et vous faites partie de cette longue marche vers une réappropriation de la terre, vers une réappropriation du pouvoir, vers une réappropriation de la décision dans les villages. Nous tenons à remercier le professeur Gérard Duhaime pour sa conférence. Vous souhaitez en apprendre davantage? Visitez le site de la Chaire de recherche du Canada sur la condition autochtone comparée. Ce podcast est une production du partenariat de recherche Habiter le Nord québécois. À la narration et au montage, Clément Femenias-Métivet. En musique, la pièce Kougarjouk par le duo Inuit Pixik. Pour retrouver le reste de nos podcasts, visitez le site habiterlenordquebecois.org.